The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To devote. Consacrer. Magazine. Le magazine. Fashion. La mode. To decide. Décider. Trendy. À la mode. Supposed. Censé. To take notes. Prendre des notes. To interrupt. Interrompre. Rule. La règle. Editor-in-chief. L'éditeur en chef. To expect from. Attendre de. To guess. Deviner. Now, a bit faster. Fashion. La mode. To expect from. Attendre de. To interrupt. Interrompre. To take notes. Prendre des notes. To guess. Deviner. Trendy. À la mode. Rule. La règle. To decide. Décider. Editor-in-chief. L'éditeur en chef. To expect from. Attendre de. Trendy. À la mode. To interrupt. Interrompre. To guess. Deviner. Supposed. Censé. To devote. Consacrer. To take notes. Prendre des notes. Trendy. À la mode. Rule. La règle. To guess. Deviner. Fashion. La mode. Supposed. Censé. Magazine. Le magazine. Now, use the words in context. Consacré. I devoted all of my energy to establishing this company. J'ai consacré toute mon énergie à la fondation de cette entreprise. À la mode. Right now, it's very fashionable to get married on the beach. En ce moment, c'est très à la mode de se marier sur une plage. Censé. You're supposed to be on time. Vous êtes censé être à l'heure. Interrompre. I'm sorry to interrupt you, but I have to ask you something. Je suis désolée de vous interrompre, mais je dois vous demander quelque chose. Devinez. Guess what happened yesterday at the office? Devine ce qui s'est passé hier au bureau. Consacré. I devoted all of my energy to establishing this company. J'ai consacré toute mon énergie à la fondation de cette entreprise. Interrompre. I'm sorry to interrupt you, but I have to ask you something. Je suis désolée de vous interrompre, mais je dois vous demander quelque chose. Devinez. Guess what happened yesterday at the office? Devine ce qui s'est passé hier au bureau.